Fildar, donc, est de retour. Gros dossier. Ouais. Hein, tu nous as ramené du gros morceau. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des conneries? Non, bon, d'accord. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est toi, Jean-Baptiste, lui, il faudra le rappeler, si, quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ça peut-être un autre jour, dis-lui, sinon on le rappellera, genre, lundi, mais c'est un gros dossier, lui aussi. Alors, Gérard, Fildar, ça marche? Bah non, ça marche pas. Merde. Bah, comment ça se fait, ça? Viens là. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Bah, ça devrait fonctionner. Viens là, avec moi. T'es sûr que ça fonctionne, ça? Viens. Ouais. Alors, bon. Bah, je sais pas si je dois en parler, moi. Je sais pas, moi. Moi, j'avais dit que j'emmènerais peut-être quelque chose jeudi. À quelque chose, quelqu'un. Mais avec un S, parce qu'il y a deux personnes ce soir dans le studio avec nous. Et, c'était une surprise aussi bien pour les auditeurs que pour quelqu'un qu'on connaît très bien. Moi, j'étais pas au courant. Oui, non, bien sûr, mais voilà, c'était un défi. Mon défi, c'était de vous faire une surprise, donc ça a été fait. Donc, ce soir, je sais pas si tout le monde écoute, c'est moi qui le dis. Ouais. C'est ton idée. D'accord. Donc, ce soir, pour tous les auditeurs et pour vous faire plaisir, je suis allé chercher Christine, l'ex de GG. Voilà, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Alors, tu t'es fait les cheveux rouges? T'es rousse? Oui. Hein, t'as des superbes lunettes? Bah oui. Bah, tout va bien. T'es contente d'être là? Oui, très bien. Ça va, t'as réussi donc à sortir parce que c'était pas facile? Non. Mais quel plaisir, hein? Ouais. Alors, qui nous veut? Pourquoi t'as voulu venir ce soir nous rendre une petite visite? Pour te voir. T'es amoureuse? C'est tout? Oui. C'est vrai? Que Max? Et qui d'autre? Des deux. Ah! Il y avait moi et... Et Philippe non, pas moi. Il est où, Philippe? Il est où? Ah non, pas Philippe. Non, il est où, Philippe? Il est où? Fildar, voilà. Là. Mets bien le microphone, voilà. Alors, faut peut-être aller chercher... Parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, je l'ai au téléphone, et... Gros dossier! Elle me fait, ouais, génial, je viens ce soir, donc je vais me faire belle mon chou. Ah, ça, c'est vrai qu'elle est super ce soir. C'est super, mets-toi debout quand même, qu'on puisse voir. Ah ouais, oh là là, magnifique. T'es venu avec ton copain ou ton nouveau? Mon copain. Comment il s'appelle? Tu t'appelles Alain, c'est ça? Salut Alain, bonsoir Alain. Tu peux parler si tu veux. Je peux pas aller Alain. Voilà, salut, ça va? Ça va. En forme? En forme, la forme. Très bien, bon écoute, merci d'être venu avec Christine. Merci beaucoup. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Depuis que j'ai quitté Gérard. C'est vrai? Ça fait quoi, 2 ans alors? Non, plus que ça. 3 ans? 3 ans que vous êtes ensemble? 3 ans. Bon, bah c'est génial alors, il va falloir faire un gosse. L'année prochaine. C'est vrai? Oui. L'année prochaine. Ouais. Un garçon, une fille, vous avez envie d'avoir? N'importe. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre? Oui. D'accord. Vous voulez pas autre chose qu'un garçon ou une fille, non? N'importe. Ou, hein? D'accord. Alors, bon, il faudrait peut-être. Alors, Fildar est allé en direction du bureau. Parce que, bon, Gérard vient d'arriver et la foudre va débarquer. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans les minutes à venir. Énorme. Accrochez-vous bien, parce que si vous voulez de la radio libre, de la vraie radio libre, ça va arriver. Alors, je vais appeler Gérard, je vais demander si Gérard est là. Gérard! Bon, alors j'espère que c'est barré, non? On l'entend déjà gueuler, on vous gueule, c'est bon, on vous gueule, putain, c'est bon. Donc, ça va faire plaisir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Gérard? Je ne me rappelle plus. Le jour où tu l'as quitté, quoi, en gros. Oui. D'accord. Donc, on est en train d'essayer de ramener la bête dans les studios. Et on en profite pour saluer Bibi, rassure-toi. Hein, Gérard ne va pas se remettre avec Christine, parce que Christine est amoureuse d'Alain, et j'imagine qu'Alain est amoureux de Christine. Très fort. Très fort en plus. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ta gueule. Gérard! Alors? Gérard! On n'entend pas à l'antenne, mais sa gueule dans les couloirs. Gérard! Oh, vos gueules. Oh, vos gueules. Oh, ouais, ta gueule, Manu. Bon, alors. Gueule un peu, toi, gros con, là-bas. Regarde. Tu demandais quelque chose. Non, ta gueule. Pas de problème. Ah, mon pote. Tu commences pas. Il est en stress déjà. Il commence pas à remuer. Non, GG, commence pas à remuer à 22h30. Mais pourquoi? Parce que Fildar, il est en train de filmer au caméscope. Putain. Arrêtez. Allez, assis-toi. Il est en train de... Je te jure, c'est le portable comme la semaine dernière. Gégé, tu vas suer, Gégé. Ah, dis donc, et oh. T'es allé chez le coupe-tif, toi, mon salaud. Ça te va. On se refuse rien. Comment ça va, Gérard? Attends, content? Ça va? Là, ça va, non, comme ça, il marche très bien. C'est toi qui lui as branché, Fildar. Alors, ça va? Bonsoir, Gérard. Salut. Bon, Fildar, tu lui as branché. Tu m'as dit que tu lui avais branché, ça va? Alors, putain, t'as dit que tu lui avais branché, putain. Mais non, non, touche pas à ça. Touche pas à ça. Ouais, c'est quoi ton bordel? Non, bah, prends le micro d'Alain en attendant, tiens, voilà, hop, juste le micro. Merde. Le micro, voilà, ouais, en attendant. Alors, Gérard. Ça fonctionne pas encore son bordel, là. C'est pas au point, hein. Alors, c'est une grande première, Gérard, et donc, Christine est avec nous. J'ai entendu, de toute manière, je m'en doutais de la surprise de ces conneries à lui. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, toi, encore? Alors. Range ton micro! Pour quel effet? Mène-toi! Pour quel effet ça fait, Christine? Au revoir, ton ex. Ça fait drôle. Ça fait drôle? Mmh. Mène-toi! Mène-toi, j'aime pas te voir à côté de moi. Non, c'est bon, il m'a dit. Allez là. Ah, putain, mais c'est quoi ce bordel là? Voyons si nous fait appel là. Voilà, alors laissez-vous. Alors, et quand même, vous parlez même pas, rien, vous ignorez, c'est hallucinant. Ben là, j'étais en train de chercher. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non, mais c'est eux qui s'amusent avec. Qu'est-ce que ça fait? Ah, je l'ai réparé. Bah, t'as rien réparé. Mais si. Ben non, ils vont. Ah oui, ça marche pas. Hein. Ben alors, prends le micro d'Alain. Quel bordel, là, ça y est, c'est parti. Bon, prends le micro d'Alain. Alors, putain, ça y est, ça me frappe. Dégage. Dégage. Gérard, concentre-toi un peu, dégage. S'il te plaît. Quel effet ça fait quand même de revoir Christine? Bah rien, moi. Bah regarde-la, au moins. Non, mais moi, ça me fait rien du tout, c'est tout. Moi, de toute manière, moi, je travaille pas comme ça ce soir, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais t'inquiète pas, ça va se passer pas comme ça. Non, déjà, lui, avec son truc, il va se calmer, parce que sinon, il va dégager, mais à coup de pompe dans le cul, ce soir. On parle de la caméra, bien sûr. Hein. Donc, c'est pas la peine d'insister. Ce soir, déjà, j'ai un problème sur un truc, donc c'est tout. Quel problème? Non, mais ça, on en discutera tous les deux. De quoi? Les plaques chauffantes. Ta gueule, va te faire enculer. Oh, c'est un truc que personne ne comprend. Non, mais il comprend jamais rien, celui-là. Bon, alors, c'est pas de sa faute. Quand même, Christine est avec nous. De toute manière, je le savais. Hein. Bonjour, Gérard. Salut. De toute manière, je le savais. Hein. Je savais très bien le coup que vous alliez me faire ce soir. Hein. Parce qu'avant de partir, je l'ai dit à Bibi, je lui ai dit qui c'était la surprise alors. Ah bon? Ah bah, tu me prends pour un câble. On va peut-être appeler Bibi, non? Ça serait peut-être bien de lui parler quand même, de lui dire un petit truc, non? Non? Là, son numéro? Bah sinon, je regarde dans téléphonerose.com, mais... Tu vas voir tout à l'heure, tu arrêtes. Non, je l'ai pas, faudrait que tu me le redonnes, GG. Quoi, tu l'as pas? Non. Et Christine, t'as pas des choses à dire à Gérard? Mon nom, non. On s'attendait à des petits mots, des petites choses quand même depuis le temps. T'as rien à dire à Christine, Gérard? Au bout de 3 ans, non? Avec toutes ces histoires de coton-tige dans le cul. Non, mais ça, j'ai déjà réglé mes problèmes l'autre fois à l'antenne. Ouais, c'est du passé. C'est vrai? Oui. Mais il le faisait quand même pour de vrai ou? Non. Parce qu'elle nous a dit qu'il le faisait quand même un petit peu. Donc c'est pas vrai? Non. Non, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Comment tu trouves, elle a changé par rapport à avant? Mais Gérard, il s'en fout. Hein. Tu l'ignores complètement. Regarde, il y a Alain, son copain, quand même. Ça se trouve, je laisse venir les meilleurs amis du monde entre Alain et Gérard, non? Alain, il est spécial hein, quand même, hein, le GG. Hein. Tu connais pas? Ah, c'est un gueulard. Hein. Ça, c'est un gueulard. Par contre, moi, j'ai un truc. Bon, comme c'est la première fois que je vois Christine, tout ça, moi, j'ai toujours voulu faire un truc. C'est en fait c'est très très visuel hein, mais j'aimerais bien que tu me dessines la caquette de Gérard. Toi seul dans le studio l'a vu, j'aimerais tu bien peux le faire ou pas? Tu pourrais dessiner? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie de? Bah non, c'est tout petit. Tu fais une petite chose, un petit point. Un petit point. Non, c'est comme c'est ça. Grave. Bon, t'as le numéro de ta femme ou pas? Tu le connais même pas le numéro de ta femme? Non, je le connais pas. Bon, tu l'appelles souvent, ça fait plaisir. Hein. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que bon, je voulais dire que Christine avait quand même un peu plus de goût maintenant parce que quand tu vois Alain, il est vachement bien, il est super beau. C'est vrai. Par rapport à l'autre. L'autre moustache. C'est vrai que. Hey, l'autre, il a un nom et puis t'emmerdes, espèce de connard. D'accord? Espèce de trou du cul, hein. En tout cas, ce soir, ça va être chaud, hein. De toute manière, il est pas là pour les débats, je veux pas de lui, hein. Ah bah, y a personne d'autre. Ah bah, je m'en fous alors. Tu as pas trop. Ah bah, dans ces cas-là, les débats, on les fait la semaine prochaine. Ah non. Ah bah, hey. Ah non. Non, non, mais attends, moi, tu me le mets pas à l'arrière, hein. Non, mais il va se calmer, t'inquiète pas, bah, et qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bah, on appelle. Attends, c'est peut-être pas celui-là qui marche, c'est peut-être l'autre. Ah non, c'est que t'appelles là, attends. Ouais, bah oui. Ouais. C'est là, ma mère. N'hésitez pas. Ah, il y a un autre. Ah, mais c'est bon, attends. Une autre ligne. C'est le bordel ici. Ah, oui, c'est le bordel ce soir. Hein. J'espère qu'elle décroche. Sandy, tu décroches. Peut-être. Allez, Sandy, décroche quoi, merde. Bah, allez, peut-être quoi. Elle est quand même pas en train de. Oui, donc vous êtes bien sur le portable de Sandy. Sandy, tu décroches le téléphone, s'il te plaît. Oh là là. On va la rappeler, on recommence. Ouais. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute pas la radio? Si, elle écoute, mais elle a pas envie de décrocher, je suis sûr. Pourquoi? Sandy, tu décroches, s'il te plaît, merci. Bah ouais, on a besoin de te parler. Attention, on refait sonner de nouveau le portable de Sandy. Attention, c'est reparti. Attention. Sandy, tu décroches. Allô? Ah, quand même? Eh, t'en faut du temps non, pour décrocher? Pas, j'avais des petits problèmes. Ouais, mais t'en faut du temps pour décrocher? Bah non, mais c'est pas la question. Mais non, mais c'est pas la question, mais moi c'est ma réponse. Je te demande s'il y avait des, s'il en fallait du temps pour décrocher. Bah oui, il m'en fallait du temps parce que j'étais pas là. Ah, t'étais où encore? Oh bah j'étais, j'étais au petit coin, j'ai quand même le droit d'y aller quand même. Non, tu faisais quoi? Tu faisais caca? Non, non, même pas, non. Tu faisais pas caca? Non, non. Bah, hey, tu fais quand même caca dans la journée quand même. Ah bah oui, heureusement quand ah même. Ah bon, hein. Tu me rassures, parce que des fois, que des... tu fais caca toi aussi, Christine, de temps en temps. Enfin, oui, je... oh, bah, ouais. Bonsoir Christine, au passage, hein. Bonsoir Sandy. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mais tu sais, moi j'aurais bien voulu venir si j'avais su que t'étais venue dans les studios, moi je serais venue. Non mais attends, puis quoi encore toi, tu veux pas venir faire le débat à ma place aussi? Mais non, mais t'inquiète pas, genre, c'était juste pour être amie avec Christine, y'a pas de mal, franchement. Bah oui, hein. Parce que toi, faire les débats ici, négatif. Pas avec moi. Mais non, elle voulait rencontrer Christine, de toute façon, elles vont devenir des vraies copines, elle. Bah voilà, c'est ça. Bah alors. Moi je voulais faire sa rencontre, je me suis dit, tiens, attends, tu veux pas quoi? Hein? Ah non, rien. Tu te rends compte quand même, Christine, elle est là ce soir. Moi, j'ai rien contre toi, Christine. Bah, non, ni moi. Bah, c'est moi qui viens de te parler, espèce d'andouille. Mais non, mais là, t'es en train de t'énerver comme un plutôt. Bah ouais, mais là. Elle comprend même pas qui c'est qui lui parle, c'est mais moi. Non, mais est-ce qu'il se passe? Eh ben, bah, attends, t'envoies ton chauffeur. Quoi? Eh, c'est toi, tu vas te mettre dans le cul, le doigt. Non, attends, pas de vulgarité, s'il vous plaît, c'est pas le but de cette émission, puis il y a encore des jeunes qui écoutent. Non, ce que je comprends pas, Sandy, c'est que Gérard n'a pas vu Christine depuis 3 ans, il a rien à lui dire à part un salut, et que toi, t'aimerais bien rencontrer Christine. Il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans. Bah oui, moi, de toute façon, je suis amie avec tout le monde. Bon, j'ai peut-être fait des conneries dans ma vie, bon, d'accord. Ouais. Mais les gens veulent pas me pardonner. Bah, c'est tant pis pour eux, hein, ouais. Ils veulent pas me pardonner. Bah, et tu peux. Moi, je sais que je pardonne facilement, et justement, je voulais rencontrer Christine pour essayer de sympathiser un petit peu. Bah, moi, oh, il est 22h40 là. Ah bah non, bah, elle va s'en aller, Christine. Après, faut qu'elle rentre. Hein. Bah, il la ramène. Non, c'est pas lui qui la ramène, non. Non. Bon, et c'est tout ce que t'as à dire à Christine. Bah ouais, mais moi, j'ai rien à dire, c'est tout. Christine, quand même, t'as rien à dire à Gérard non plus. Ah, qu'il a vraiment. Il a changé. En quoi il a changé? Parle bien devant ton micro, hein. Qu'est-ce qui a changé en lui? Sa coupe de cheveux. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord, ouais. Ils sont un peu plus propres qu'avant, c'est vrai, ouais. Quoi d'autre encore? Il est moins vulgaire. Ah oui, c'est vrai qu'il est moins vulgaire. On l'a longtemps bien. Que tu l'as pas vu, alors. Non, ou alors avant, ça devait vraiment être quelque chose de particulier en privé, parce que on l'a entendu rentrer en furie en traitant les gens de tous les noms, et voilà. Et t'as rien à dire à... C'est hallucinant. Non, moi j'ai rien à dire. C'est vrai que de ce côté-là, il a fait quand même des efforts. Ouais. Il s'habille mieux et tout, question vestimentaire. Ah ouais, c'est vrai que là. Ouais, j'ai remarqué. Okay. Il a fait des efforts et ouais. même quand il parle, hein, comme tu dis, Christine, des ouais. fois, bon, là, il a fait quand même des efforts, il parle mieux et tout. Hein. Bah c'est ouais. vrai, hein, Gérard, t'as fait beaucoup d'efforts là-dessus. Hein. Ouais. Mais il y a aussi les autres points aussi. Hein, le Bechamel a fait beaucoup de bien. Le Bechamel fait beaucoup de bien, Gérard. Au niveau de la senteur, c'est toujours tropical ou comment ça se passe? C'est comment? Ça se passe comment, Christine? Ça se passait comment avant Moi, j'étais trop fragile pour se le porter. Ouais, t'étais trop fragile, ouais. C'est vrai que... Les bronches, hein, les bronches. Tout de suite. C'est vrai que c'est quand même tous les deux, quand ça faisait le... C'était... Non, mais, hé, dis. Oui. Dis, même. Tu veux venir? Hein? Tu veux venir? Comment tu l'appelles? Oh non, on m'appelle pas comme ça, j'ai horreur de ça. Tu veux venir? Comment tu l'as appelé? M'amour. Je préfère que tu m'appelles ma grosse puce, mais pas... Non, bah, va te faire voir. Tu veux venir? Tu préfères qu'il t'appelle ma grosse puce plutôt que... Eh, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, tu préfères... C'est mignon, ma grosse puce, c'est sympathique, non? Oh putain, ouais, ma grosse puce. Putain, mais elle est con quand je lui demande quelque chose ou quoi, elle? Non, elle viendra pas, mais c'est vrai que t'es encore vulgaire. Tu pourrais être au moins un peu plus poli, oui, Sandy? Et il m'appelle Bibi, moi j'aime pas qu'on m'appelle Bibi. Ah bon, bah lui il dit toujours que t'aimes bien, que ça te fait délirer. Non, en fait je préfère qu'on m'appelle 70 ou soit ma grosse puce ou... Ouais, trop tard, ou ma grosse tout court. Voilà, non. Ma grosse pour les intimes. Ça, non, quand même pas, on va pas jusque là quoi. Non, tu veux venir ou pas? Bah non, mais ça va être difficile après pour la ramener. Je sais pas, j'ai pas de moyen de venir, moi j'ai pas de voiture. Enfin, il y a le métro, mais bon, j'ai pas envie de prendre le métro. Hein. T'as craint au métro? Bah oui, en plus, ça craint, vu comment je suis habillée, ça craint. T'es habillée comment, Christine? Sandy, t'es habillée comment? Bah, je suis habillée en mini-jupe, alors je vais pas venir. Oh là là là là, quelle horreur! Je veux dire, il faut faire gaffe, quoi. Bah ouais, il faut faire gaffe. Oh là, avec tout ce qui court en ce moment. Bah, pourquoi tu l'as pas dit, au moins tu serais venue? Parce que je te l'avais dit avant de partir qui c'était là. Mais non, mais je pensais que c'était Christine la surprise, mais j'étais pas sûre de moi. Non, bah moi j'étais sûr alors. Non, puis c'est pas le moment en plus d'être en mini-jupe Sandy et se balader dans le métro, c'est quoi avoir une amende ça? Peut-être manger un PV, hein, c'est peut-être pas le moment, non, faut faire attention. Hein. Je sais pas, mais moi, si j'étais toi, effectivement, je ferais attention. Hein. Bon, en tout cas, Sandy, bon, ce n'est que partie remise, hein, parce qu'on aura l'occasion d'organiser avec Gérard bientôt les conseils de Gérard et Sandy. Bah, il y a pas de problème. Hein, un petit spécial. Ouais, c'est on t'embrasse très fort, sois sage. Okay. Et puis, donc nous, on est un petit peu déçus parce qu'on s'attendait quand même à plus de contact entre Gérard et Christine. Christine qui reste toujours très polie envers Gérard et Gérard qui n'a toujours rien à dire à Christine. Hein. Bah non, j'ai rien à dire, c'est tout.